Bon, alors. Cresson, école d'hiver 2020. Seconde partie du plateau 1 sur l'espace sonore. Alors, c'est rigolo parce que les interventions m'ont fait changer de PDF. Parce que... Éléonore Bach. Depuis tout à l'heure, l'écoute d'enregistrement me perturbe fortement. Elle me coupe de l'expérience même parce que ce que j'entends dans les enregistrements, et pardonnez-moi, c'est le micro et les haut-parleurs. Donc, effectivement, je vous témoignerai d'une écoute que je vous raconte. Et ça me permettra de pointer aussi à quoi je fais attention par la suite. Donc, le petit texte, ça s'appelle « Plonger dans les abysses ». Je l'ai écrit pour décrire une écoute d'une œuvre sonore de Lars Fredriksson qui m'a plongé quelque part dans ce type d'expérience où je prends sa place dans la peau de Lars Fredriksson, en fait. La forte houle promet une belle tempête. Je suis encore à l'air libre. Le vent fouette mon visage. Le navire se balance et dévie légèrement. Je me hisse sur le pont d'embarcation, glisse et me rattrape. Juste un peu avant de descendre dans le bâtiment, j'inspire profondément, puis bloque mon expiration. Cela masse mes organes internes, me calme et me permet d'atteindre une haute concentration mentale. J'ai maintenant atteint la station radio. Désormais, c'est en parfaite indépendance de l'atmosphère terrestre que j'y respire. Dans l'étroitesse et le confinement de mon espace de travail, il commence à faire plus chaud. J'essuie mon front, contrôle de nouveau mon souffle et ajuste mon corps à mon assise. Des forces croissantes de pression s'exercent sur les deux côtés du navire. Elles semblent écraser la coque. Je sais qu'elles vont s'équilibrer lorsque la mer sera plus calme. Je mets mon casque. Coupé du bruit ambiant, je me redresse dans mon siège et déglutis pour régler la pression dans mes oreilles. Ensemble, avec mes coéquipiers, nous contrôlons dès lors les systèmes de navigation ainsi que les moyens de communication acoustique et de radio, dont notamment des récepteurs HF. Notre vitesse est encore relativement faible. Bientôt, nous serons propulsés en arrière, puis exercerons un demi-tour vers la gauche pour naviguer enfin droit devant. J'ai soudain des sentiments vagues de mon corps. Pour me soulager, je me centre dans mon siège tout en balançant légèrement mon buste, puis ôte brièvement mon casque que je garde ensuite à mi-hauteur de mes oreilles. Du coup, j'entends ce qui se passe en cabine, sans perdre ce qui sort de mon casque. Le bruit de fond et les signaux s'entremêlent. Cela me déconcentre un peu. Je reste donc sur le qui-vive. Mon cœur bat fort. Mon siège vibre. Un léger courant d'air me frôle. J'entends soudain quelques sons étranges et ressens des mouvements inhabituels. Ça gronde, ça craque, ça siffle, ça tangue. Nous avons enfin atteint notre vitesse de croisière. Les écrans vidéo brillent dans la semi-obscurité. Cela produit des auras lumineuses. Je sens l'effet de l'hydrodynamisme. La solidarité corps-navire me donne l'impression d'être un et même. Depuis mon poste d'ingénieur radio, je scrute désormais des fonds marins aussi vastes que sous-peuplés. On risque d'y croiser l'autre en l'ignorant. Je surveille ce qui se passe. Je guette donc d'éventuelles rencontres. La tension monte. Je me concentre. Je suis ce qu'on appelle une oreille d'or, capable de distinguer entre des bandes de crevettes, des hélices de navires et d'autres bâtiments fantômes. J'ai appris à compter pour reconnaître ce qui se présente devant moi. J'aime chercher pendant de longues heures, journées, mois. Dehors, ça semble être beaucoup plus calme, obscur, infini. Le dropping distinct des sonars actifs me berce. C'est différent avec les sonars passifs. Les variations de pression, de température, de salinité interviennent sur la vitesse et la vélocité sonore. Souvent, les ondes radio se superposent et se brouillent. J'attends qu'elles redeviennent à peu près déchiffrables. J'aime ces phases de turbulence lors desquelles les sons se forment, déforment, transforment, circulent nerveusement, se nouent, se dénouent, changent d'emplacement, de direction, d'élan, de rythme, pour tout aussitôt perdre de netteté et de clarté et pour s'évanouir complètement. Comme ces effets se déclarent au hasard, comme ils surviennent et se retirent tout aussitôt de ma perception, je me tourne très vite vers d'autres sens, notamment tactiles et visuels. Or, ce va-et-vient entre quasi-silence, perception auditive, visuelle et tactile provoque des confusions sensorielles et mentales. Comme ça grouille de toutes parts, comme ça m'offre des perspectives et des sensations nouvelles et toujours plus actuelles, je ne suis plus capable de distinguer entre ce que je perçois et ce que je ressens. Je ne sens d'ailleurs plus aucune distance. Je ne sais plus où s'arrête mon corps et où commence l'espace. Ces effets qui sont tous aussi sensibles, volatiles, intemporels, extensifs et intensifs unifient le divers de l'expérience interne et externe. Tandis que mon esprit s'envole, mon corps dessine. Je trace, retrace pour mieux m'inscrire en tous ces mouvements et transitions. Or, bien que je tente par là d'ouvrir quelques fenêtres intermittentes sur ce qui va avec mon existence et mon horizon, une nature animée, pleine de strates, reliefs, textures, tons, luminosité, transparence, pleine de silhouettes et d'êtres entremêlés et uniques. Bien que je tente encore de laisser venir ce qui joue et se joue en dehors de ma conscience, et bien même que je laisse de la place aux petites dimensions, aux petites épaisseurs inconscientes, je comprends que je suis à peine au point, qu'un simple coup de vent, un peu d'air tout juste soufflé, pourrait facilement m'effacer de la surface de la Terre. Pourquoi ce texte ? D'abord parce que ça me permet de vous décrire une situation d'écoute peu ordinaire. Ensuite, ça me permet d'insister sur l'interaction sensorielle, le mélange momentané des sens auditifs, donc des écoutes aériennes et solidiennes, et d'autres sens parce que j'ai trouvé important, on peut se mettre à écouter la pression qui s'exerce non seulement sur notre habitacle, mais la pression qui s'exerce également sur notre corps, le vent qui s'exerce sur nous quand on écoute en hauteur, c'est le même vent qui s'exerce sur le bâtiment. Donc j'aime bien parler de cette expérience commune. Et j'aime bien parler aussi donc des autres sens, dont notamment des sens kinésiques, thermiques, tactiles, visuels, mais aussi de la convolution des gestes corporels, donc à la fois des postures de corps, des gestes d'écoute, des gestes réels ou imaginaires, des effets spatiaux, représentationnels, plastiques, des gestes d'habiter, construire, auxquels on ne fait pas suffisamment attention. Le swing des phénomènes et le swing des espaces, le swing des corps. J'aime parler de ça parce que ça introduit mes modes d'habiter, construire, et qu'on va d'ailleurs regarder cet après-midi au niveau des spatialisations. c'est-à-dire des adaptations, ajustements très fins, des postures de corps et des attitudes sensibles qui interviennent également au niveau des attitudes intellectuelles. Donc je parle fréquemment de la plongée. Tout à l'heure, il était question du point de vue unique et de la fixité du micro. Rien n'est fixe, tout est en mouvement. Comment travailler sur ça? Comment gérer le tout subjectif? Comment gérer le vivant, j'ai envie de dire. Ça m'a permis aussi, ce petit texte, de vous parler d'une autre dimension. C'est la prise en charge de la porosité, c'est-à-dire de l'indifférenciation momentanée et opportuniste entre dehors et dedans. La prise en charge du glissement d'une perception à l'autre. La prise en charge du glissement entre perception réelle, virtuelle, imaginaire, et la prise en charge des souvenirs perceptifs, notant que c'est toujours le même corps indicible qui agit et perçoit, et la prise en charge du swing, sur lequel j'aimerais bien vraiment revenir cet après-midi. Voilà, alors, et pour dégager bien sûr quelques concepts que je dirais plastiques et philosophiques. Et ça me permet finalement, et je m'arrêterai même carrément là, de convoquer vos propres sens sensoriels, vos souvenirs et imaginaires, afin que vous vous mettiez à l'écoute de phénomènes tous aussi sensibles que plastiques, tout aussi architecturant votre écoute, tout aussi nécessaire pour explorer, restituer des situations, puis habiter, construire des espaces plus riches en potentialités sensibles. Et donc, voilà. Peut-être vous avez des remarques ou des questions pour Éléonore. Alors, tu peux préciser Lars Fredriksson. Pourquoi référence à Lars Fredriksson? Oui. Alors, Lars Fredriksson, c'est un artiste suédois qui progressivement est passé de la peinture à l'univers sonore, mais le son vraiment vu sous l'angle plastique pas du tout musical. Lars Fredriksson et il aurait aujourd'hui 94 ans, je pense. Actuellement, vous pouvez aller voir son œuvre qui a été longtemps ignorée, oubliée. Il a sa rétrospective au MAMAC de Nice actuellement. Le Centre Pompidou a acheté l'ensemble de son legs et notamment des heures et des heures et des heures d'écoute. Mais ce sont des écoutes parfois assez intrigante, parce qu'il était à la fois artiste et ingénieur, et radio-amateur. Il a créé donc des dispositifs d'écoute bien au-delà des fabuleux studios d'enregistrement qu'on peut actuellement voir de Pierre-Henri à Paris, aller voir dans la Cité de la Musique. Il n'est pas du tout dans cet héritage-là. C'est vraiment le... Je dirais presque qu'il est dans la prolongation d'une pensée optophonique traditionnelle pour convoquer de nouvelles sensations nerveuses. C'est-à-dire que vous le savez comme moi, et en tout cas c'est une thématique qui m'a beaucoup préoccupée et qui continue de me préoccuper, le déjà voir ce qu'on entend, de ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Comment sortir du regard, oui, donc comment s'affranchir de ce regard et de faire vraiment une expérience purement sonore. Moi, je pense que c'est proprement impossible. Oui, mais dans ce frottement, il se passe quelque chose. Dans ce désir de vouloir sortir du regard, il se passe quelque chose qui m'apprend ce qui pourrait éventuellement se loger ailleurs que dans le regard. En tout cas, ça m'excite complètement de réfléchir là-dessus. Donc, la nouvelle sensation nerveuse a été un projet des optophonistes. Et vous savez que l'optophonie, elle a fait venir au monde l'art abstrait, la musique contemporaine, la musique atonale. En fait, il y a vraiment, dans les années 20, un grand effort, mais qui se trouve dans la prolongation, notamment de la musique pour les yeux du 17e, où on a essayé de produire des prothèses pour notamment des aveugles ou des sourds-muets, pour leur permettre de mécaniquement de compenser ce défaut. Ce que je trouve d'ailleurs symboliquement super intéressant, parce que est-ce que nous ne sommes pas ces fabuleux sourds-muets aujourd'hui? Moi, je me pose vraiment cette question, si nous ne sommes pas toujours des sourds-muets, pourtant d'un phénomène qui ne se tait pas, il est bien présent. Et pour revenir sur Lars Fredriksson, il va jusqu'à rendre serviables des machines qu'il construit pour se perdre dans sa propre écoute, c'est-à-dire il va hors contrôle, il va en dehors des espaces convenus. Et ce n'est pas justement une expérience ésotérique qu'il tente. Je vous invite d'aller voir. Alors moi, je l'ai rencontré à l'âge de, je pense que j'avais 22 ans, 23 ans, quelque chose comme ça. Et je venais de la performance, justement, après les études. Quand moi, j'étais jeune artiste, j'étais dans la performance. Et finalement, c'est grâce à lui que j'ai fait un virage complet vers le son, parce que le son me permettait en effet d'aller d'affranchir des limites, de sortir, tout en étant dans l'inclusion, pour rebondir sur les thématiques que tu vas introduire. C'est-à-dire que de ne pas exclure, mais d'inclure, et de ne pas parler de limitation ou de limite seulement, mais de délimitation. Ouais, donc, c'est grâce à Lars Fredriksson que je me suis penchée sur le son depuis presque 40 ans maintenant. Avec un fabuleux besoin, et ça je renvoie au Cresson, le même qu'on partage probablement ici, c'est comment dire, comment nommer, comment qualifier ces expériences et comment les mesurer et les partager. Comment partager une écoute ou voir un phénomène qui est fini dès qu'il s'est exprimé. Tout à l'heure, dans la petite conversation, on a parlé qu'il est difficile de maintenir quelque chose qui est déjà fini, parce que le cerveau, il faut un certain temps pour qu'il comprenne que c'est fini ou que ça s'est passé. Mais je dirais aussi, c'est dans l'autre sens aussi intéressant, quand on écoute, on attend quelque chose. On attend ce qu'on veut écouter, ce qu'on veut entendre. Et donc, c'est tout aussi difficile. Ouais, donc, dans cette élasticité-là, où on se place, c'est bien au-delà du point de vue. Et pour parler du jeu vidéo, le jeu vidéo, c'est presque la thématique qui devrait nous préoccuper, parce qu'il montre cette isolation, cet isolement dans lequel on se trouve, l'unique joueur devant son unique expérience qui partage l'unique expérience avec les autres. Bon. Mmh.